le coronavirus COVID-19. Donc, j'ai décidé d'aborder ce sujet dans le cadre de l'enregistrement présent. Donc, c'est sûr qu'au moment où je vous parle, beaucoup de médias abordent ce sujet d'une manière abondante. Par contre, l'angle d'approche que je vais avoir dans le cadre de l'enregistrement présent se veut différent. Dans le sens qu'une épidémie, en fait une pandémie mondiale qui a été déclarée récemment par l'Organisme mondial de la santé, donc qui affecte plusieurs pays, a beaucoup d'impact présentement là, dans au sein des différentes populations là, qui peuplent la Terre. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les technologies de communication, que ce soit l'Internet, les réseaux sociaux, entre autres, les formations se diffusent très rapidement. Et par rapport au coronavirus, c'est sûr que sur le plan individuel, dans le cadre d'une démarche de développement de conscience, eh bien l'enjeu, c'est de regarder par rapport à toutes ces informations-là qui sont projetées sur mon écran d'ordinateur, comment je vais vibrer par rapport à tout ça, dans le sens, est-ce que je vais laisser l'information se rapportant à la pandémie me décentrer ou rester centrique? Rester centrique, ici, je l'entends dans le sens d'être capable d'être stable psychiquement face à l'événement. Parce que c'est sûr qu'une pandémie mondiale, c'est un événement qui arrive peu souvent, heureusement, à ma connaissance. De mon vivant, là, c'est la première pandémie d'une telle ampleur que le gouvernement du Québec a demandé qu'il n'y ait plus de rassemblement de 250 personnes ou plus, demandé aux gens de 70 ans et plus qui sont plus à risque, étant plus âgés, de rester chez eux. Ensuite, il y a la fermeture pendant 2 semaines des écoles, des universités. Donc, il y a plein de mesures quand même assez draconiennes qui sont mises en place en peu de temps. Donc, c'est un événement particulier dans lequel je me situe présentement. Et il y a beaucoup d'informations d'une manière continue ici dans les médias qui sont diffusées. Puis je sais que c'est la même chose pour nombreux pays dans le monde. Donc, c'est de voir par rapport à ça, si je vais me laisser décentrer par la peur de contracter le coronavirus ou je vais être capable d'être stable psychiquement par rapport à tout ce qui est diffusé d'informations en relation avec l'événement. Parce que si je donne le pouvoir à l'événement de m'amener à vibrer à la peur, à la crainte, et de connaître un état de panique, de peste émotionnelle, ben à ce moment-là, je vais dilapider mes énergies vitales. Et si je me dévitalise de mon énergie qui est utilisée pour produire de l'émotion en réaction à l'événement, ben à ce moment-là, j'ai moins d'énergie pour parler puis agir créativement puis canaliser du matériel créatif aussi. Donc, si je me laisse déstabiliser, puis j'émotive mon énergie, ben à ce moment-là, ça risque de m'affaiblir, ça risque d'abaisser mon taux vibratoire, ça risque de diminuer mon système immunitaire. Et à ce moment-là, ça m'amène dans un état où je vais être plus fragilisé, donc plus disponible à contracter le coronavirus ou toute autre forme de virus ou d'infection. Donc, c'est de regarder l'hygiène psychique que je vais faire à l'égard de l'événement. Donc ça, c'est sur le plan individuel, sur mon plan personnel, pour me situer à l'égard de l'événement. Et c'est sûr que ma volonté, sur le plan individuel, c'est de ne pas me laisser déstabiliser par la peur, la crainte qui peut être extrêmement présente là, dans les médias sociaux, les conversations, les vidéos, des bulletins de nouvelles qui sont présentés parfois là, avec une forme de dramatisation. Donc, c'est ça. C'est de regarder la stabilité psychique que je peux avoir, puis aussi de regarder la mise en vibration que je peux connaître ou non en relation avec l'événement pour ne pas m'engager dans des actions qui sont inutiles. C'est sûr que, dans le fond, la mise en vibration, c'est de regarder l'esprit s'il m'amène à avoir des actions particulières ou non en lien avec l'événement. Dans le sens, s'il y a des choses non ajustées, c'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui est mis en vue... De toute façon, moi, je ne voyageais pas à l'international, fait que ça ne change rien par rapport à moi, mais tu sais, quelqu'un aurait pu être mis en vibration pour arrêter de voyager à l'international, puis il a arrêté de faire ça. Donc, si son esprit l'amène à être en vibration par rapport à ça, il a à s'ajuster. Donc, ça peut être à différents niveaux, les ajustements qui peuvent être faits. Donc, c'est sûr que dans mon cas, c'est des ajustements de plus de bon sens, là, tu sais, d'arrêter de donner la main aux gens ou de faire la bise puis de garder une distance par rapport aux gens. Des choses que j'ai adoptées, mais j'ai pas vécu de mise en vibration spécifique. Puis pour ce qui est des actions que les gens peuvent faire, ben c'est sûr que quelqu'un peut utiliser un paquet de mesures de contrôle pour réduire au maximum les possibilités de contracter le coronavirus, mais si la personne, son destin, c'est de mourir de cette maladie, ben elle ne pourra pas l'empêcher parce que l'ego ne contrôle pas tout. Et c'est sûr qu'il faut comprendre ici que la pensée vient d'ailleurs. Donc, c'est pas l'ego qui crée la pensée. La pensée n'est pas que sécrétée par le cerveau de l'individu, comme l'estomac va sécréter les sucs gastriques qui vont favoriser la digestion. C'est très différent. Donc, la perspective dans laquelle je m'inscris, c'est celle que la pensée n'est pas générée par l'individu, ce qui fait en sorte que, à quelque part, l'individu, en tant qu'ego, en tant qu'un réceptacle d'une pensée qui est au-delà du cerveau physique, eh bien, il contrôle pas tout. Et puis, c'est sûr qu'à ce niveau-là, quelqu'un peut être extrêmement bien intentionné, étudier pendant des jours tous les moyens de prévenir la maladie, mais si son destin, c'est d'être confronté à elle, il va être confronté à elle pareil. Parce que la maladie prend une fonction, dans certains cas, d'ajuster des égos trop orgueilleux. Et aussi, dans certains cas, ce qui va arriver, c'est que des égos qui ne sont pas capables d'être ajustés par l'esprit, puis à ce moment-là, ne pouvant pas être ajustés dans l'incarnation présente, ben ils vont connaître un état de déchéance, puis ils vont décéder, mais ils vont, dans certains cas, se réincarner dans un contexte qui va être plus propice à l'intégration d'ajustements. Ils ne sont pas capables dans l'incarnation présente pour des raisons d'entêtement. Mais la maladie peut avoir aussi d'autres fonctions, là. C'est pas juste ça, là. C'est pas juste une question d'ajustement de l'ego, là, naturellement, là. Parce que il y a plusieurs éléments qui sont derrière le fait de contracter ou non de maladie, ainsi de suite, là. C'est pas juste ça, parce que ce serait simpliste et réducteur. Mais la maladie a une fonction dans une vie d'un individu ou d'une collectivité. Donc, c'est sûr que dans certains cas, ça peut éclairer sur certaines failles. Donc, c'est sûr que par rapport au coronavirus, par rapport à cet événement-là, c'est intéressant d'en faire l'étude parce que, entre autres, en lien avec ça, j'ai écouté sur le site internet ici.toutou.tv, qui est un site associé à Radio-Canada, qui, pour le pays du Canada et par rapport à la chaîne de télévision national, donc du pays, il y a un documentaire qui s'intitule « Coronavirus, enquête aux origines du désastre ». Je vais mettre le lien en bas de l'enregistrement. J'ai écouté ça récemment. C'est sûr que s'il y a des gens qui m'écoutent en Europe, entre autres, ou à l'extérieur du Canada, eh bien, ça se peut que ce ne soit pas possible pour vous d'écouter la vidéo parce que je pense que les gens qui sont à l'extérieur du Canada sont bloqués par rapport à cette chaîne-là qui s'adresse aux Canadiens. Là, ça serait à vérifier. Mais bon, ce qui est intéressant de la vidéo, c'est pas fait sur un site conspirationniste, là. Ça, c'est une vidéo sur la chaîne officielle du média national des Canadiens, du média d'État, donc Radio-Canada, qui, à travers cette vidéo-là, nous présente comme information qu'à la base de l'épidémie, eh bien, au marché de Wuhan, où il y a eu les premiers cas qui ont été atteints en Chine, eh bien, ça s'est fait au début du mois de décembre. Et ce qui est arrivé, c'est que les autorités chinoises ont attendu, selon le documentaire, de 2 à 3 semaines pour l'annoncer à la population, puis que les gens à l'international soient au courant de tout ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens, des médecins entre autres, qui avaient un forum de clavardage là, sur Internet et qui discutaient de ça. Ils ont été bloqués, ils ont été censurés par les autorités chinoises. Ils sont fait accuser de partir des rumeurs. Puis c'est sûr que diffuser des informations sur l'émergence d'un nouveau virus comme ça, ben ça fait ombrage à l'image qui peut vouloir être véhiculée par les autorités chinoises, avait fait « tout va bien », donc la propagande officielle. Et l'information a été tassée, mais pendant ce temps-là, le virus a progressé. Et ce qui est arrivé, ben, c'est ça, c'est qu'un virus comme ça, c'est pas bloqué rapidement, eh bien, ça va être diffusé à l'international, parce que les gens à Wuhan se sont déplacés en Chine, se sont déplacés un peu partout dans le monde. Donc, au lieu que ça soit contenu très rapidement, ben, à cause du fait que, eh bien, par orgueil, des gens, des autorités ne voulaient pas entendre l'information, l'écouter, ben, ça a retardé, ça a été un comportement retardataire, ça a retardé le moment où ce que les différents acteurs de la société chinoise ont intervenu d'une manière concertée pour stopper l'expansion du virus, puis aussi d'informer la population par rapport à ça pour qu'il y ait des précautions qui soient faites. Parce que ce qui est arrivé, c'est que le virus a progressé pendant une période de temps où l'information était gardée secrète, n'était pas diffusée au public. Et pendant ce temps-là, ben, c'est sûr que c'était une période qui, dans le fond, s'inscrivait dans une fenêtre de déplacement pour beaucoup de personnes parce que c'était proche de la période du Nouvel An chinois où les gens vont se déplacer un peu partout, que ce soit en Chine ou à l'international. Puis là, quand les gens se déplacent un peu partout dans le monde, alors qu'ils peuvent être porteurs d'un virus, bien là, ça peut favoriser la propagation rapide à l'international, surtout dans un contexte de mondialisation où de plus en plus les gens vont se déplacer en avion puis par différentes façons. Fait qu'autrement dit, l'épidémie actuelle, la pandémie, ben, c'est sûr que quand on regarde ça en relation avec le documentaire, ben, ça fait voir les failles de la censure de l'information par rapport aux autorités chinoises. Que d'un côté, pour ne pas perdre la face, on va cacher des informations pour qu'en tant qu'égo collectif, en tant que personnalité des nations, eh bien, les autorités chinoises peuvent bien paraître, rayonner à l'international avec une belle propagande. Mais derrière ça, si le réel de qu'est-ce qui se passe n'est pas dévoilé puis pris en considération, tôt ou tard, ça va éclater à la figure de la nation ou de l'international. Et c'est sûr que pendant ce temps-là, ben, la situation s'est dégradée parce que ça donnait un jeu de 2 à 3 semaines avant que l'information soit connue. Et ce qui est particulier dans le documentaire, il était question que l'information ait été divulguée officiellement le 11 janvier 2020 par les autorités. Et quand que j'écoutais le documentaire, ben, ça m'avait fait penser à une annonce, à une prédiction en fait, qu'avait faite Daniel Ménard, astrologue québécois, qui pendant plusieurs années a interviewé Bernard de Montréal, qui est l'initiateur ici au Québec de la conscience supramentale et de sa diffusion. Et Daniel Ménard a été consultant, il a fait lui-même pendant plusieurs années des conférences. Et c'est sûr que je l'ai moi-même interviewé. D'ailleurs, vous avez certains de ces enregistrements là, qui sont présents sur ma chaîne de YouTube. Et l'une des prédictions sur lesquelles il avait mis beaucoup d'emphase, et pour les gens qui ont connu Daniel pendant plusieurs années, vont sans doute savoir à quoi je fais référence, c'est que sur son site web, lorsqu'il en avait un, parce que Daniel Ménard aujourd'hui est décédé, là, ça fait un peu plus d'un an, eh bien, il avait indiqué la date, c'était le 12 janvier 2020. Il a annoncé qu'il allait se passer quelque chose de particulier, c'est-à-dire que Pluton entrait dans le signe du Capricorne, et Pluton, ben c'est quoi? C'est un destructeur de forme et qui allait ébranler les structures. Le Capricorne, ça représente les structures sociales, dont notamment les fonds de retraite, la finance, la bourse. Et qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que toutes les structures sont en train d'être ébranlés. Donc, autrement dit, lui, en tant qu'astrologue, en plus d'avoir été un consultant dans le domaine de la conscience supramentale, avait annoncé pour le début du mois de janvier un événement qui allait ébranler l'humanité. Et ça, il avait marqué sur son site web pendant des années de temps. J'avais pris en note l'information, comme beaucoup de personnes qui ont connu Daniel Ménard et qui... S'il y en a certains qui m'écoutent vont savoir à quoi je fais référence. Et ce qu'on voit présentement, c'est que l'éclosion du coronavirus, eh bien, ça s'est fait au mois de janvier. Et c'est en train d'ébranler les structures mondiales. Si on pense, par exemple, à des baisses boursières majeures qui ont eu cours, donc l'aspect financier. Ensuite, ça ébranle les comportements sociaux. on voit des mesures qu'on n'aurait jamais vues auparavant là, au Québec, là, d'interdire des rassemblements plus de 250 personnes, de limiter par la suite les gens qui veulent aller dans des résidences de personnes âgées, donc que les gens n'aillent pas visiter ces gens-là. C'est toutes des choses qu'on n'aurait pas vues avant. Fait que les comportements sociaux sont bouleversés. Ensuite, l'arrêt du casino. Ensuite, les parties de basketball, là, la NBA, National Basketball Association, qui sont suspendues aux États-Unis. Donc, puis il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en quarantaine. Donc, il y a un ébranlement qui se fait présentement. Et c'est sûr que à ce moment-là, en relation avec cette prédiction-là qui a été faite avec Daniel Ménard, ça donne drôle, mais ça va dans le même sens par rapport à l'événement. Donc, c'est un choc présentement, cette situation, pour beaucoup de personnes. Ça déstabilise, parce que ça arrive par surprise, pour beaucoup de personnes. Là, du jour au lendemain, qu'il y a des mesures aussi drastiques qui soient mises en place en société, que ce soit au Québec, mais il y a d'autres peuples aussi, si on pense entre autres à l'Italie, la Chine aussi, naturellement. Donc, c'est une déstabilisation mondiale qui se produit présentement. C'est sûr que le phénomène de la quarantaine, parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver en quarantaine parce qu'ils ont été dans des pays où ils peuvent être susceptibles d'avoir été infectés, donc se ramassant dans une situation de passer plusieurs jours chez soi seul, c'est quelque chose de particulier parce que lorsque la personne se retrouve seule, eh bien, ça peut être à plusieurs tranchants. Dans le sens que quelqu'un qui est seul, qui n'est pas habitué de composer avec la pensée, ben, il peut vivre de l'anxiété, il peut vivre du stress, puis finalement, son taux vibratoire, son niveau d'énergie va se dégrader. Tandis que si la personne est consciente que la pensée vient d'ailleurs, c'est pas elle qui pense, elle a une capacité de contester la pensée, puis elle a une capacité aussi de canaliser l'esprit, ben, le fait de se ramasser seul pendant plusieurs journées d'une manière consécutive peut être lieu à du déploiement de créativité, voire même du rehaussement du taux vibratoire. Donc, autrement dit, si quelqu'un passe une quarantaine de 14 jours seul chez elle, eh bien, il y en a au bout de 14 jours vont ressortir de là pire sur le plan émotionnel qu'il était avant, parce qu'il y en a d'autres qui vont composer bien avec la pensée, puis ils vont sortir rehaussés, puis avec la réalisation d'œuvres sur le plan créatif, si on a la vibration de faire ça là, naturellement. Donc, tout est en fonction de chacun. Quelqu'un peut passer 14 jours, puis ça peut être un lieu de ressourcement, ou la personne elle peut être son pire ennemi, puis en se laissant influencer par l'astral, puis déposséder totalement de ses énergies vitales, puis vibrer beaucoup de l'émotionnel, puis être dans un état de très grande détresse psychologique. Tout varie en fonction de chacun. Donc, dans certaines mesures, pour certaines personnes, de passer du temps seul chez soi, d'une manière forcée, c'est-à-dire que l'ego ne l'a pas choisi, ça lui est imposé pour des raisons sanitaires en relation avec une urgence sanitaire, comme dirait François Legault, bien, les gens peuvent ressortir de différentes façons de l'expérience. Dans certains cas, ça peut avoir une portée initiatique constructive, dans le sens que ça donne un espace de temps d'arrêt pour que la personne entre en contact avec son esprit, puis à ce moment-là, faire des prises de conscience en ayant une disponibilité interne à écouter qu'est-ce qui se passe en elle, puis s'y ajuster pour ressortir grandi de l'expérience ou au contraire dépéri. Si la personne se laisse astraliser par la pensée, la peur, la crainte, et ainsi de suite, tout est en fonction de chacun. Mais sinon, ben c'est sûr que le fait d'être exposé à des informations dans les médias, c'est de voir comment on compose avec ces formes-là, voir si on est déstabilisé avec les formes que ça représente, ou sinon par rapport à la grippe, c'est de voir, pour les gens qui vont être infectés par le coronavirus, c'est de voir comment que les gens vont composer, à savoir est-ce qu'ils vont rester avec un mental intact ou ils vont sombrer dans la crainte. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est en fonction de chacun. Mais c'est sûr que ça me fait penser un peu, en lien avec le phénomène d'être malade, j'ai eu la grippe dans mon cas. Ça s'est tombé drôle, hein, parce que le jour de mon anniversaire, le 1er février, j'ai attrapé la grippe, mais c'est pas à ma connaissance le coronavirus. Donc, lorsque j'ai eu la grippe, c'est arrivé d'une manière sauvage. En pleine nuit, je me suis mis à avoir un degré extrêmement élevé de fièvre. Par la suite, j'ai eu des douleurs musculaires. Ensuite, j'ai eu du frisson. Et par rapport à l'événement, ben, ça a été un événement particulier dans ma vie parce que là, présentement, je vis seul en appartement. Et puis, dans le passé, lorsque j'étais malade, ben, soit que je vivais avec ma mère ou sinon avec ma compagne, mais je n'étais pas seul. Donc, c'est sûr que l'une des craintes que j'avais à traverser à mon niveau, c'est de me ramasser seul à l'appartement en étant malade, en faisant de la fièvre. Et j'ai eu à composer avec ça. Et puis, c'est sûr que quand j'ai eu la grippe, bien, ça a été un moment d'intériorisation parce que je me ramassais seul chez moi. Et je me suis mis à un moment donné à aller sur l'ordinateur pour écrire, pour voir si j'étais capable de canaliser, même si j'avais un niveau quand même de fièvre élevé. Et puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai posé des questions aux forces, puis j'ai regardé qu'est-ce que ça me répondait. Je les ai même notées. Puis là, je me suis dit, je vais regarder ça de nouveau pour le fun aujourd'hui. Puis je vais vous en lire, qu'est-ce que j'ai écrit quand j'ai canalisé à ce niveau-là. En pleine grippe, c'est sûr qu'en les relisant, ben, j'ai corrigé là, certaines structures de phrases, certaines fautes d'orthographe, mais j'ai gardé l'essentiel du contenu qui était là. Parce que c'est sûr qu'en faisant de la canalisation, alors que j'étais fiévreux, ça m'a donné une mesure à quel point je pouvais être en contact avec l'esprit en dépit de la nature oppositionnelle de l'événement, c'est-à-dire être atteint physiquement là, d'un problème de santé. Donc, ça me donnait une mesure de voir à quel point je pouvais rester stable psychiquement sans vibrer à la peur en relation avec l'exposition à l'événement, puis voir aussi si l'événement de me ramasser seul chez moi, malade, m'a ramené astralisé à un point tel que j'aurais perdu le contact avec l'esprit à travers la maladie, alors que c'est pas le cas parce que j'ai été capable d'écrire. C'est sûr que mon état a fluctué, par contre, là, lorsque j'ai eu la grippe, ça a duré plusieurs jours. Il y a des états, oui, à certains moments donnés, je vivrais plus à de l'émotionnel, je réfléchissais. Mais j'ai été capable quand même de connaître un état dans lequel j'ai pu canaliser puis écrire. Fait que ça m'a donné une mesure de ma capacité d'avoir une certaine stabilité psychique par rapport à un événement que j'ai pas choisi. Je voulais pas avoir la grippe, que j'ai pas apprécié, mais qui a été intéressant pour moi parce que ça m'a permis de voir à quel point j'étais capable de rester en contact avec l'esprit pour canaliser en dépit de la nature de l'événement. Je faisais pas l'affaire de mon ego. Donc, ce que j'ai écrit, je vais vous lire ça, puis je vais vous partager aussi les réponses de qu'est-ce que ça m'a répondu intérieurement lorsque j'ai écrit au clavier. Donc, j'ai écrit « Quelle est la fonction de la grippe? » Réponse. Vous amenez à réaliser que vous êtes plus fort que vous le croyez. Les croyances que vous avez sont souvent limitées et c'est en vivant des expériences comme celle-ci que ça les fait éclater. Elles ont été implantées pour contrebalancer les croyances excessives que vous aviez vous concernant dans une vie antérieure pour que votre ego soit plus juste. Vous devez réaliser et assumer que la vibration supramentale est plus forte que vous le croyez. Elle est forte pour vous garder le mental sans crainte, mais cela ne veut pas dire qu'elle va abréger le délai de la grippe. Vous êtes malade et capable de nous parler et nous capter. Cela veut dire que votre mental est intact, car sinon la réceptivité vibratoire serait bloquée par l'astral et la crainte. La grippe n'altère aucunement votre clarté psychique. Cela vous donne une mesure expérientielle de votre capacité à composer avec la grippe. Nous n'avons pas besoin de telles mesures parce que nous savions qu'il en serait ainsi. Par contre, vous ne le saviez pas. Ce n'est pas la chose que vous aviez envie d'expérimenter. Vivre avec la grippe sans se réfléchir est un défi pour beaucoup de personnes. Donc, c'est ça que ça m'a répondu lorsque j'ai parlé au plan, en canalisant, mais cette fois-ci avec l'ordinateur. J'avais la voix changée là, parce que j'étais malade, fait que je n'aurais pas fait en audio. Et j'avais posé aussi cette autre question-là que je vais vous partager aussi, parce qu'il y avait des éléments là-dedans que je trouvais intéressants. Donc, j'avais écrit « Pourquoi est-ce que je vis présentement la grippe? » Réponse, parce que vous êtes prêt. Cela vous donne la capacité de contenir de plus grandes charges énergétiques de descente d'énergie qu'avant. Votre parole va moins vibrer à la peur. L'une de vos faiblesses, c'est la peur de la maladie qui vous a bloqué dans votre mouvement d'expression vibratoire. Vous ne devez plus lui donner d'importance parce que tout est marqué. Vous devez simplement suivre la vibration. Que vous vous lavez les mains ou non plusieurs fois par jour, si vous avez à être malade, vous allez l'être. L'ego déconnecté de l'esprit ne peut pas empêcher un événement prévu par l'esprit avec des mesures de contrôle. Néanmoins, si la personne a la vibration de se laver plusieurs fois par jour les mains, elle doit le faire, car elle va alors dans le sens de l'esprit. Mais si elle le fait par peur, elle est déconnectée. Et son geste est inutile parce qu'il témoigne d'une conscience coupée de son être fondamental. La grippe va vous servir à neutraliser, trois petits points, la peur d'avoir la grippe. Donc, ça, c'est la réponse que j'ai eue des plans lorsque j'ai posé des questions alors que j'avais la grippe. Autrement dit, la meilleure façon d'être libre de la crainte de la grippe, c'est d'être confronté à vivre la grippe. Puis finalement, réaliser la capacité de contenance. Parce que dans mon cas, j'avais tendance à avoir peur de me ramasser seul avec la grippe. Finalement, je passe à travers l'expérience d'avoir la grippe seule. Puis finalement, c'est pas si pire que ça. J'ai été capable de canaliser alors que j'étais malade. Donc, ça m'a permis de me réajuster puis d'arrêter de me sous-évaluer par rapport à ma capacité à composer avec ce type d'événement-là. Mais c'est à travers une expérience. C'est sûr que moi, en tant qu'égo, j'aurais jamais voulu de me confronter pour avoir une mesure de moi-même en attrapant volontairement la grippe, là, bien entendu. Donc, c'est une expérience subie qui m'a amené plus loin dans ma compréhension de moi-même sur le plan expérientiel. Donc, c'est ça que j'ai retiré de l'expérience en ce début d'année 2020 d'avoir eu la grippe. C'est sûr que c'est pas le coronavirus, là. J'ai pas connu des problèmes respiratoires là, importants en lien avec ça. Là, on s'entend, là, c'est à un autre niveau. Par contre, c'est toujours intéressant de regarder la centricité des gens par rapport à l'événement. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'ego, dans le fond, je regarde entre autres Bernard de Montréal qui était atteint d'un cancer généralisé, puis quelques jours à peine avant son décès, alors qu'il était gravement malade, il a donné pareil une conférence. Deux semaines avant son décès, là, c'est quand même quelqu'un qui a une très grande centricité psychique. C'est-à-dire au lieu de vivre une désorganisation psychologique par rapport à la maladie, puis sombrer dans un état de déchéance. Non. Il a gardé un mental intact. Ses propos étaient très cohérents, qu'il canalisait à peine quelques jours avant son décès. Donc, cet individu a été la démonstration qu'à quelque part, une personne peut traverser la maladie avec une très grande centricité. Et sans doute, il y aura des gens qui traverseront le coronavirus. En fait, je ne sais pas s'ils vont traverser parce que les gens n'ont pas tous une conscience supramentale puis vibratoire, mais ça peut être possible que quelqu'un traverse l'événement en étant stable psychiquement puis en ne s'en sent pas déstabilisé par rapport à la nature de ce virus. Sinon, par rapport au coronavirus, est-ce que j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais aborder? Bien, c'est sûr que pour moi, la question si les gens vont mourir ou non de tout ça, c'est en relation avec un destin. C'est-à-dire que les plans, pour des raisons d'évolution, vont laisser faire, par exemple, se dégrader certaines situations. Donc, c'est sûr que je discutais tantôt avec une personne qui me posait comme question, est-ce que les plans de la lumière ont voulu qu'est le coronavirus? Ma réponse que j'y ai donnée, c'est non. Il n'y a pas eu une intention des plans que les gens tombent malades de ça. Par contre, la nuance que je fais, c'est que les plans ont laissé faire la situation. Dans le sens que de laisser faire l'émergence d'un virus, c'est un petit peu comme laisser des enfants faire leur apprentissage pour qu'ils se réajustent. Nous autres, l'humanité, on est comme des enfants qui ont à apprendre à composer avec les virus, à développer entre autres des meilleures normes sanitaires, en aussi en intelligence. Donc, c'est sûr qu'il y aura des études à faire en relation avec l'événement. Peut-être que la société chinoise, au complet, aura un examen de conscience à faire plus particulièrement le gouvernement, à savoir dans un cas où il commence à avoir des manifestations de gens qui ont des problèmes pulmonaires importants, que ça ressemble au SRAS, qui a été une autre épidémie là, au début des années 2000, eh bien, au lieu d'attendre 2 à 3 semaines, ça serait d'agir tout de suite, qui serait le plus intelligent pour freiner l'émergence d'une épidémie, puis aussi d'informer la population. Peut-être que à travers l'événement, ben il y a des gens qui, en tant qu'égaux, au niveau collectif, vont se réajuster pour être plus rapides en temps réel pour freiner et diffuser l'information avec une pandémie pour l'empêcher. Donc, il y a des égaux qui vont développer plus d'ajustements, monter en intelligence en relation avec les lacunes dans la gestion de la pandémie actuellement, parce que présentement, les coûts sont très lourds au niveau humain. Il y a des gens qui meurent, des coûts économiques, des baisses boursières. Il va sans doute y avoir un ralentissement de l'économie pour plusieurs semaines, des pertes d'emploi en relation avec ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des coûts qui ont affecté la société chinoise, mais les autres sociétés aussi qui sont en relation avec ça. Puis la pandémie nous amène aussi au niveau collectif à réaliser que nous sommes tous un. Donc, tous les gens sur la Terre sont interreliés parce que qu'est-ce qu'il y a de l'impact chez un peuple peut avoir de l'impact chez un autre, d'où la pertinence qu'il y ait une meilleure collaboration entre les gens des différents peuples, que les gens se partagent des informations en temps réel au lieu de la garder dans un esprit de contrôle puis de domination. Donc, c'est sûr que qu'il y a une pandémie ou que si on pense à la menace terroriste présentement, eh bien, ça amène à réaliser les failles dans la gestion à l'international d'éléments qui vont à l'encontre du développement de l'humanité. Puis ça amène aussi à réaliser qu'à quelque part, les peuples doivent être capables de collaborer entre eux d'une manière plus rapide, plus efficace pour régler les problèmes par concertation. Parce que à quelque part, si des gens laissent une situation se dégrader, ben tôt ou tard, ils peuvent être impactés par cela, par rapport au fait que tout est interrelié. Donc, c'est sûr que le virus, si on le laisse propager un endroit, ben il peut se déplacer puis aller diffuser ailleurs, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de voir qu'à quelque part, ça va sans doute amener une meilleure gestion pour l'avenir des crises, d'épidémies ou de pandémies potentielles en relation avec les données qui vont être accumulées par rapport à la situation présente. Donc, ça va amener certains dirigeants, notamment les gestionnaires de la santé, si on pense entre autres à des peuples comme la Chine, etc., peut-être à être moins orgueilleux puis à être capable d'avouer les failles. Donc, s'il y a une pandémie qui se développe, au lieu de le cacher puis d'essayer de camoufler ça, bien, tout de suite de présenter l'information pour le régler plus rapidement. Puis aussi de travailler en concertation avec d'autres personnes à l'international sur la situation, pour développer soit un vaccin par rapport au virus ou différentes mesures, puis bénéficier de l'intelligence des autres. Bien, c'est sûr que par rapport aux défis que ça représente, soit la menace du virus, ou la menace terroriste, ou la menace d'une guerre thermonucléaire entre différents peuples, quoique ça, c'est moins présent à l'heure actuelle, c'est tout le temps la notion de collaboration entre les peuples. Ça permet de voir les failles en lien avec la collaboration. Pourquoi que les gens ne collaborent pas entre eux? Ben, ça peut être en relation avec un manque d'intégration du principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain, du respect de l'autre. Si un être humain respecte l'autre, il va agir en conséquence. Même chose par rapport à un peuple à l'égard d'un autre. Donc, ça va être un comportement dans l'optique du respect qui va être appelé à émerger chez les gens qui se conscientisent ou tout au moins veulent bien paraître au niveau du collectif, dans le sens que si, par exemple, un peuple aide un autre à combattre une pandémie, ben, il va bien paraître. Donc, ça peut être l'amour désintéressé, entre guillemets, ou pas désintéressé, mais quoi qu'il en soit, il y aura un plus grand ajustement qui peut être tiré de ce type d'expérience-là collective de quarantaine, parce qu'il y a plusieurs gens un peu partout qui sont en quarantaine, et de regarder les comportements au niveau collectif qui sont en relation avec ça, ou surtout d'observer si les peuples vont avoir une grande capacité d'adaptation ou non. Donc, c'est sûr que si on pense à un peuple, par exemple, comme celui italien, où les gens vont se donner la bise, et là, il y a une éclosion massive de gens qui sont atteints du coronavirus à cet endroit, bien, rapidement, ce peuple-là pour s'adapter puis faire face à la situation puis réduire la contamination, ben, ils ont arrêté de se donner la bise. Donc, c'est de voir si les gens du peuple vont être capables de sortir du conditionnement social qui amène à avoir certains rapports sociaux avec certains gestes, certains rituels ou non. Donc, c'est sûr que si quelqu'un de l'esprit est capable de se libérer de la forme, plus qu'une personne a de l'esprit, puis plus qu'elle est capable de se libérer rapidement d'une forme, que ce soit un conditionnement social, un conditionnement familial ou autre. Même chose par rapport à la capacité d'adaptation des gens, que ce soit ceux en Chine, ceux en Iran ou différents peuples qui sont confrontés présentement avec l'épidémie. Donc, pour survivre, ça prend des adaptations rapides des comportements pour contrer cette diffusion, puis éventuellement en contenir. Donc, ça nécessite une capacité d'adaptation. Puis pour être capable de s'adapter, ben, ça prend de l'esprit, ça prend de l'intelligence pour sortir des formes anciennes, du mémoriel passé. Donc, est-ce que la volonté de sortir du conditionnement va être plus forte que le conditionnement sur l'individu? Eh bien, ça, c'est intéressant à voir au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel en relation avec un tel événement. Donc, c'est sûr que l'événement en tant que tel n'est pas intéressant, là, qu'il y ait une épidémie. Moi, personnellement, en tant qu'égo, j'aurais jamais souhaité ça. Par contre, je réalise qu'à quelque part, ça n'a pas une fonction d'amener certains individus ou certains peuples à monter en intelligence. Parce qu'à travers l'adversité de l'événement, ben, ça indique les failles. Donc, l'une des failles, ça peut être, par exemple, de reproduire machinalement des comportements parce que c'est nos ancêtres qui nous ont enseigné. Si à chaque fois qu'on se voit, on se donne la main, puis on se donne la bise, puis qu'il y ait la grippe ou pas grippe, c'est pas intelligent. C'est un petit peu comme les gens qui, à l'église, vont se donner la main en période de grippe hivernale. Dans le passé, puis ça a été discuté par plusieurs personnes, que c'était un comportement qui n'était pas souhaitable. Puis là, j'ai appris récemment qu'au Québec, les responsables d'église avaient demandé aux gens d'arrêter de donner la main à travers les messes. Ben là, je trouve ça intelligent qu'ils aient fait cette adaptation-là. Donc, qu'ils fassent passer la santé publique avant l'importance du rituel historique. Donc, c'est une forme d'ajustement, mais les ajustements, ça va aller plus loin. C'est sûr que par rapport à la situation présente, on parle d'un virus qui provient de la ville de la Chine, de Wuhan, où il y a un marché avec différents animaux qui sont là, qui sont en vente. Ça peut être des chauves-souris, des serpents, il peut y avoir même des insectes. Donc, il y a plusieurs animaux qui sont proches d'êtres humains. Il y a une proximité qui est là. C'est sûr qu'il peut y avoir un questionnement sur la pertinence de revoir les normes en matière d'hygiène de ce type d'endroit-là. Ça peut être une étude qui peut être faite. Et c'est sûr que le virus s'est diffusé de la Chine vers partout dans le monde, dont le Québec, parce qu'il y a des gens ici qui sont atteints. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la contamination d'un virus, qui est un programme au niveau biologique, parce qu'il existe aussi des virus informatiques qui sont des programmes virtuels, dans tous les cas, c'est des programmes. C'est des programmations. Et c'est sûr qu'il part des programmations destructives ou parasitaires. On parle d'un virus qui va parasiter l'être humain pour se reproduire en son sein en parasitant les cellules. Il peut exister aussi le contraire, c'est-à-dire une contagion psychique créative plutôt que destructive. Dans le sens que au Québec, il y a présentement la souche la plus virulente de la conscience supramentale à l'échelle internationale, et c'est un virus qui présentement se diffuse petit à petit à travers des enregistrements, à travers des textes, un peu partout dans le monde. Mais c'est un virus qui véhicule une vibration différente. C'est pas un programme virtuel malveillant, si on pense à un virus informatique ou un programme biologique parasitaire, non. C'est une vibration différente. Et la contagion psychique va se faire d'ici les 2500 prochaines années à l'échelle de l'humanité. Il y a des gens qui vont être mis en vibration pour être réceptifs à ce type de virus-là psychique, au même titre que présentement, il y a des gens que le fait qu'ils ont un système immunitaire qui est faible, qui ont déjà des problèmes, par exemple, respiratoires, ou qui sont âgés, les rend plus disponibles à attraper le virus sur le plan biologique du coronavirus. Pour en venir sur une note un petit peu particulière, c'est que la diffusion des choses autant au niveau destructif, vu qu'on est tous interreliés, peut créer une pandémie mondiale qui amène plein de morts, mais autant la diffusion d'un virus créatif, c'est-à-dire la conscience supramentale, qui est introduite dans le système, c'est quelque chose de nouveau. Les gens n'ont pas nécessairement les anticorps par rapport à ça. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils sont mis en initiation, ils ne sont pas capables de contrôler l'énergie de l'esprit, ils vivent des états de possession parce que leur organisme n'est pas habitué à composer par rapport à ça, au même titre qu'un virus nouveau. Il y en a certains qui vont développer la capacité à composer avec l'énergie de l'esprit qui descend en eux, puis aussi l'énergie de l'esprit qu'ils perçoivent à travers des enregistrements, des textes, puis ils vont développer les anticorps, ils vont développer la stabilité psychique, ils vont développer un centre de volonté intégré qui vont leur permettre de composer avec cette énergie-là, cette vibration-là, puis ils vont se reconstruire plus fort, au même titre que des gens qui vont ressortir plus fort de l'exposition à la grippe ou du coronavirus parce que leur organisme va apprendre non seulement à être capable de reconnaître le virus, mais aussi de le neutraliser. Puis s'il se représente à lui à l'avenir, bien, il va être capable de se réajuster. Donc, c'est la même chose pour l'être humain qui intègre la vibration supramentale. La personne qui n'est pas habituée par rapport à ça au début, elle vit des chocs, un peu comme l'organisme qui vit un choc quand il est exposé avec un virus qu'il ne connaît pas, qu'il ne reconnaît pas, puis qu'il n'a pas développé la capacité de neutraliser. Mais lorsque la personne est habituée de composer avec l'énergie de l'esprit, ben à ce moment-là, ça a moins d'impact pour le déstabiliser. Et il va se reconstruire plus fort. Et c'est sûr que par rapport à ça, ben ici au Québec, il y a eu Bernard qui a diffusé la conscience supramentale avec très grande intensité. Là, il y en a d'autres, puis il y en aura d'autres éventuellement, mais ça part ici du Québec. Et puis, il y a des gens qui, d'un peu partout dans le monde, éventuellement, vont venir ici pour assister ou participer à des conférences, des stages, et qui vont bénéficier de l'exposition au feu de l'esprit et à une conscience virulente, nouvelle, neuve, qui, lorsque les gens vont capter ça, ben, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Ça se fait d'une manière explicite. Ils vont avoir un taux vibratoire différent, ils vont interagir avec d'autres personnes dans l'environnement, puis leur taux vibratoire va avoir de l'impact sur les gens de l'environnement. Que ça soit en parlant explicitement ou pas de termes supramentaux, le simple fait de véhiculer une vibration différente va avoir un impact sur l'écosystème psychique dans lequel il se situe. Si quelqu'un, par exemple, part de l'Europe et va venir au Québec, il s'expose pendant une journée intensive à une conférence supramentale, ensuite il retourne chez lui, ben, les entités astrales qu'il pouvait avoir depuis des années dans sa maison peuvent être bousculées par la vibration auxquelles ils ne sont pas habitués, parce que la vibration de la personne va avoir changé puis était habituée à son ancien taux vibratoire, alors que là, s'ils ont un taux vibratoire plus élevé que les entités astrales avec lesquelles ils cohabitaient psychiquement jusqu'alors chez lui, mais ces entités-là, peut-être, ne seront plus capables de supporter son niveau vibratoire puis vont être obligés de partir. Donc, il va y avoir des impacts par rapport à ça. Et ça, c'est un autre aspect, là. Mais par rapport au virus, du coronavirus qui provient de la Chine, qui est diffusé un peu partout, ben ça va être la situation inverse. Parce que ce ne sera pas un virus destructif, pardon, mais ça va être constructif, la diffusion du supramental qui va se diffuser un peu partout à l'international. Et il y aura même un jour des Chinois qui vont s'intéresser à la conscience supramentale. Et ça m'est revenu récemment, en fait, au mois de décembre. En 2011, l'idée m'était venue, mais ça me vient par bride. En 2011, ça me dit un jour que, on va voir, moi, par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, puis même surtout quand c'est des prophéties que je fais par rapport à moi-même ou des annonces, je suis très critique parce que à ce moment-là, vu que ça me concerne, c'est moi qui canalise, c'est difficile pour moi d'être objectif naturellement. Et je vous le partage, mais on verra. Moi, je prends tout le temps ça de même, là. Puis par rapport à tout ce que je peux avoir dit sur le coronavirus, vérifiez par vous-même, croyez pas à ça, là, naturellement. Mais ce que ça me dit par rapport à la Chine, en 2011, ce que ça me dit, c'est qu'un jour, je vais interagir avec des gens en Chine qui vont s'intéresser au supramental. Puis, j'avais pas trop de détails. Puis là, un peu à l'image d'un téléroman, où d'épisode en épisode, on nous dévoile de plus en plus d'informations. Récemment, au mois de décembre, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des gens en Chine qui ont pour mandat d'étudier qu'est-ce qui se fait dans le monde. Autrement dit, de récupérer les meilleures idées, puis ensuite les reproduire, les adapter, les copier, pour que, à quelque part, le collectif de la Chine en bénéficie, Et puis, ces gens-là vont faire ce qu'on appelle des veilles documentaires. Autrement dit, ils vont étudier l'évolution de l'automobile un peu partout, l'évolution, par exemple, que ce soit les téléphones intelligents, etc., pour aller chercher les informations les plus à jour, à le plus à fine pointe de technologie, puis être capable de les intégrer. Puis, ils font la même chose par rapport à tout ce qui est imaginable. Or, il y en a qui vont s'intéresser aux nouvelles philosophies, au mouvement de conscience, puis à un moment donné, il va y avoir des gens en Chine qui vont tomber sur l'étude de la conscience supramentale, en fait, sur la conscience supramentale, les enregistrements en lien avec ça, puis ils vont étudier ça, et ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être pris au jeu, c'est-à-dire en étant exposés à ça, ils vont connaître une mutation psychique, et il y a des gens qui vont vouloir interagir d'une manière verbale par rapport à des individus qui véhiculent une vibration en relation avec ça, et vont pas se contenter d'écouter des enregistrements ou des textes. À un moment donné, il y a des gens qui, leur mandat à la base, c'était tout simplement d'étudier qu'est-ce qui se fait de mieux ailleurs, dans les autres pays, assimiler puis intégrer les innovations, les percées. Et à un moment donné, ils ont ce mandat-là, ces gens-là, une partie des gens, naturellement, et ils vont tomber sur du matériel de Bernard de Montréal, d'autres personnes aussi, et aussi du matériel que j'ai produit. Puis il y en a qui vont vouloir entrer en contact avec moi. Puis, ça va être une base individuelle. Donc, au-delà de leur mandat, ça va être individuellement, ils vont se sentir interpellés par ça, puis ils vont prendre goût de canaliser des choses aussi, parce qu'ils vont être mis en vibration, ils vont avoir une activation énergétique qui va se produire à leur sein, puis là, ils vont vouloir discuter avec des gens sur la même longueur d'onde, et ainsi de suite, s'inscrire dans une dynamique d'un développement. Mais ça, ça va être sur du long terme, ce que ça m'est venu. Mais là, je vais voir. C'est à un moment donné, il y a des gens qui m'écrivent de Chine, parce que ça, les gens avec lesquels j'ai interagi, c'est des gens dans la francophonie, donc que ce soit des gens en France, des gens en Belgique, au Canada naturellement aussi, mais on va voir. Si un jour il y aura des gens en Chine qui vont s'intéresser à ça, parce que c'est particulier, parce que la Chine, en tant que telle, n'est pas prédisposée à intégrer le supramental rapidement à court terme, étant donné que c'est un peuple collectiviste. Et les populations qui vont être plus prédisposées par rapport à ça, c'est des peuples individualistes, que ce soit la société canadienne, américaine, ensuite les pays européens, notamment du nord de l'Europe, qui vont visualiser, ils vont valoriser l'épanouissement individuel, entre autres, pas l'importance du collectif au détriment de l'individu ou qui sont dans des dictatures, naturellement. Mais on verra bien comment que les choses vont tourner. Et c'est sûr que l'événement aussi me donne une mesure de comment mes concitoyens se comportent dans le sens que si on le voit que des gens qui vont faire à travers des emplettes, là, les gens vont au supermarché, puis là, ils sont en état de crise puis de panique, puis ils se rentrent dedans parce qu'ils veulent tout acheter ou ils se volent des articles, ben là, ça fait voir le manque de maturité psychique des gens qui cèdent à la panique. Donc, c'est sûr qu'ici, il y a des pénuries de papier de toilette, de rouleaux de papier de toilette, en réaction avec l'annonce de la pandémie du coronavirus. Donc, ça fait voir l'impact que ça a sur le collectif. Donc, s'il y a des gens qui se ruent en panique dans les magasins, font des provisions en réaction, c'est de voir si c'est démesuré ou non, puis si c'est intelligent, parce que là, si des gens font la file puis se ramassent en groupe dans des magasins, bien, ils se ramassent précisément dans un contexte de proximité favorable à la contagion du virus. Donc, si les gens sont tous cordés les uns sur les autres à faire la file, à attendre une caisse enregistreuse, bien, ils sont très proches, à moins d'un mètre, bien, ils peuvent s'éternuer dessus, ils peuvent postillonner quand ils parlent, les autres peuvent recevoir des micro-gouttelettes du contaminant. Donc, s'il faut exactement ce qu'il ne faut pas faire pour prévenir la contagion du virus sous l'influence de la peur, ça nous amène au paradoxe que la peur, les gens qui ont peur de quelque chose, puis ils font le contraire du bon sens, ben ils participent à ce moment-là à augmenter le risque d'être contaminé. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, la peur n'est pas bonne conseillère, comme on dit. Mais sinon, par rapport à tout ça, pour moi, qu'il y ait une épidémie de coronavirus, c'est pas une surprise. Parce que, après tout, les normes d'hygiène sont défectueuses à plusieurs niveaux en société. Et puis, là, c'est sûr que on va voir que si ça va amener un réajustement, une amélioration des règles d'hygiène en société, un rehaussement des normes, des standards en matière de salubrité, en matière de santé, etc., suite à l'événement. Donc, si l'événement sera une occasion, une opportunité pour se reconstruire plus fort, plus intelligent, dans le cadre d'un développement progressif, d'ajustement. Donc, ça sera à voir. Mais peu importe, l'important pour moi, c'est de ne pas céder à la peur, la crainte, la panique, parce que ça n'apporte rien de créatif. Voilà l'essentiel du propos où je voulais en venir aujourd'hui par rapport au coronavirus. Et là-dessus, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.